Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et ces ondes qui émettent depuis 40 ans, car oui, CKRL fêtera demain le 15 février son 40e anniversaire. Et pour l'occasion d'ailleurs, un party est organisé à l'espace Hyperion, c'est au 190 rue Saint-Joseph-Est. Et Antoine Graton sera sur scène et l'entrée est au coût de 10$ en incluant le buffet. Donc vous venez nous y retrouver un grand nombre et vous trouvez toutes ces informations sur le site de CKRL bien sûr. Mais tout ça c'est pour demain. Pour aujourd'hui, à Futur Simple, nous avons voulu faire notre contribution à ce rappel historique de CKRL en soulignant la contribution de l'émission dans l'histoire de la radio, car Futur Simple est en ondes depuis 16 ans. Alors, pour revivre la naissance de Futur Simple, nous avons invité Marianne Kugler, qui est professeure associée au département d'information et de communication de l'Université Laval et qui est, en quelque sorte, la maman de Futur Simple. Alors, bonjour, Madame Kugler, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. Mais bonjour Valérie. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu l'origine de l'émission. D'où est venue l'idée ou le désir de faire une émission de culture scientifique? En fait, l'idée est venue du ministère de la Science et de la Technologie. À l'époque, il s'appelait comme c'est ça. C'est une belle idée qu'ils ont eue. C'est une excellente idée qu'ils ont eue. Et c'était une fonctionnaire du ministère, dont le nom de famille est Santerre, mais j'ai oublié son prénom, qui est venue rencontrer le département, la section journalisme du département, puisqu'il y a journalisme... relations publiques et publicité au département. Et donc, elle a rencontré Florian Sauvageau et elle lui a dit, on voudrait faire une émission, on voudrait que des gens de chez vous fassent une émission scientifique et CKRL est ouvert à l'idée. OK, donc ils avaient déjà fait la démarche avec CKRL. Ils avaient fait la démarche avec CKRL et alors il y avait un montant qui n'était pas énorme, qui était disponible et Florian Sauvageau qui s'intéressait Florian pas. Florian Sauvageau qui est? Qui est un très grand journaliste québécois, mais qui est spécialisé surtout dans la recherche sur la radio et la télévision publique et qui est prof de journalisme. Et lui, la vulgarisation scientifique, ça ne l'intéressait pas, absolument pas. Et moi, j'étais jeune professeur au département. Je venais d'arriver. En fait, je n'étais pas jeune parce que j'avais fait une carrière en relations publiques avant et en vulgarisation scientifique. Mais il est venu me voir. Il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que vous, ça vous intéresse. J'ai dit, mais oui. Et j'en ai discuté avec une étudiante que j'avais à l'époque, qui est Isabelle Goupy-Sormani, qui est la fille de Pierre Sormani, qui est un journaliste scientifique québécois connu. Et Isabelle, à l'époque, menait de front des études de médecine et de communication. Elle ne savait absolument pas où elle voulait aller, si c'était l'un, si c'était l'autre, etc. Alors, à deux, on a un petit peu brainstormé, puis on a prévu, enfin, mis sur plan une émission. Et on l'a partie en mettant des annonces un peu dans tous les départements. Alors, on a eu surtout des... Là, je pourrais... J'ai fait appel à Facebook pour retrouver un certain nombre de premiers collaborateurs. Je leur ai demandé leurs souvenirs. Alors, dans les débuts, il y avait donc Isabelle, il y avait Anouk Gingras, Caroline Perron. Musée de la civilisation. Anouk, oui, et elle s'occupe surtout des projets scientifiques. Ouais. Donc, il y a une graine qui a germé là. Caroline Perron, qui maintenant vit à Paris. À Nantes, en France, et qui s'occupe d'alimentation. Oui, je pense que oui. Oui, elle est cadre d'un truc qui s'appelle TOC, qui est... les troubles obsessifs de la cuisine. Alors, c'est une série de magasins de cuisine. Avec, Alors, il y avait Marie-France Sottil aussi que j'ai essayé de retrouver, je ne l'ai pas retrouvée. Elle est à Ouranos présentement à Montréal. Elle est à Ouranos. Oui, ah, bon. Groupe Ouranos. Martin Baudin-Lecourt, qui est webmestre maintenant, qui lui était un étudiant en histoire. Rémi Thériault, qui est un gars d'Acadie qui maintenant est prof dans une université ontarienne, qui lui m'a répondu. Le metteur en onde, le premier, c'était François Moisan. Oui, qui était à la Ville de Québec. Qui est à la Ville de Québec. À la télévision, oui. Et François Grégoire. Et François Grégoire. qui est présent ici. Quelle fidélité, François. Oui. Et alors, au début, en fait, l'émission était faite en différé. C'est-à-dire qu'on faisait nos topos. Et Anouk et Isabelle découpaient des tapes, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que ça faisait. Faisaient un montage pendant toute la nuit, puis passaient ça le samedi matin. Ah oui. Alors, justement, on a dit non, ça n'a pas de sens, et on a commencé à la faire en direct comme vous la faites. Donc, ça, c'est les débuts. Alors, il y a eu de ça un bébé, parce qu'on a eu la subvention deux années de suite, et Anouk a eu la subvention pendant un été pour un travail d'été qui a été de produire un livre sur notre expérience. C'est pas un livre, une brochure, sur notre expérience, qui s'appelait « Parler de science à la radio » et qu'on a envoyé à toutes les radios communautaires, au réseau des radios communautaires, mais ça n'a été repris nulle part. Ah, quel dommage. Je pense qu'on reste que CKRL reste unique en son genre. Et je dois avouer que je suis très émue d'être ici parce que de me rendre compte que ça dure encore. Ben oui, c'est ben ça, oui. Ça dure. Ça... Puis il faut quand même aussi remarquer que c'est une émission de science à une heure de grande écoute. Vous donnez ça. Ça. Ouais. Et à l'époque, on était le samedi midi. Oui, hein, on était de, je sais plus si c'était 11 à midi ou 10 à 11, mais je sais qu'on faisait la réunion de production après l'émission dans un restaurant. Au hall sur la rue Cartier, oui. Parce qu'à l'époque, on était sur Grande Allée. Au Saint-Laurent, c'est ça? Au Saint-Laurent, c'est ça, en haut du Saint-Laurent. Étage. Ouais. Ouais. Donc, tous ces collaborateurs à l'émission préparaient leur sujet. Quand après, ça s'est fait en direct, ils préparaient leur sujet, leur chronique. Mais je ne sais pas comment vous fonctionnez, parce que je ne vous écoute plus tout le temps. Je vous ai écouté de temps en temps, mais pas souvent. Nous, au début, on fonctionnait de façon thématique. C'est-à-dire qu'on se prenait un thème, puis chacun des collaborateurs choisissait un angle du thème. Donc, c'était toujours un peu travailler autour d'un prisme. Et donc, mais on faisait pas tellement de la... Enfin, ça dépend le sens que vous donnez à chronique. Nous, on faisait plus... une table ronde? De la recherche et du journalisme. Ouais. C'est-à-dire qu'on prenait des sujets, mais on n'y mettait pas d'opinion personnelle. Donc, on prenait... Et c'était axé beaucoup à ce qui se faisait autour de Québec, à Québec même. Oui, parce qu'on se disait, il y a des émissions à Montréal qui le font sur ce qui se passe à Montréal. Donc, nous, on voulait mettre en évidence la recherche de Québec. Mm-hmm. C'était d'ailleurs un peu la commande du ministère aussi. Puis, on trouvait qu'effectivement, à Québec, vous le savez sans doute, mais c'est la densité de chercheurs la plus importante en Amérique du Nord, la ville de Québec. J'ai déjà lu ça, oui. Ah bon? Ouais. Donc, ça vaut la peine qu'on en parle. Ouais. C'était important. L'autre chose qui nous différenciait peut-être d'autres émissions, c'est que c'était la recherche dans toutes les sciences. Donc, on pouvait parler de recherche en sciences sociales aussi, ou de recherche en histoire, ou en archéologie, etc. Je pense que c'est important, ça, cette ouverture. Hein? Et l'autre chose qu'on faisait de temps en temps, c'est qu'on consacrait une émission à un chercheur. Ah! Donc, de temps en temps, il y avait quelqu'un qui venait parler... Enfin, c'était peut-être pas toute l'émission, mais on faisait des longues entrevues. Mm-hmm, mm-hmm. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, le chercheur venait. Le chercheur venait, oui. Et on n'a jamais eu de refus, disons. Ouais, ouais. Quand on sollicitait les gens, ils venaient. Et puis, donc, l'histoire continue. Bon, il y a eu des évolutions parce que vous, à un moment donné, vous avez quitté l'émission. Oui. Peut-être Isabelle Goupil-Sormani également. Isabelle est partie assez tôt parce que ses études de médecine, était un peu accaparante. En plus, elle faisait de la flûte quasiment professionnelle aussi, la flûte traversière. Donc, elle était vraiment très occupée. Et les équipes changent. Enfin, comme ce que vous vivez maintenant, c'est-à-dire qu'à la fin d'une session universitaire, il y en a qui partent ailleurs, il y en a qui restent, il y en a qui changent de rôle. Donc, ça change. Mais quand on regarde, donc, quand même, depuis 16 ans, ça fait une grosse quantité de chroniqueurs et d'animateurs qui sont passés par là. Moi, j'ai regardé, je suis arrivée, je crois, en 2007, et j'ai essayé de faire le compte des chroniqueurs, animateurs, j'en ai compté 16. Donc, oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait faire beaucoup de monde qui sont passés par là. Depuis Et ce que je... Enfin, comme professeur de communication, il y en a quand même où ça a eu un rôle important dans leur vie. Donc, Anouk Gingram me l'a écrit en disant, ben oui, mais tu sais, si maintenant au Musée de la Civilisation, je m'occupe de science, c'est sans doute un petit peu à cause de toi, à cause de l'émission. Ça a donné aussi le goût de la recherche, c'est-à-dire qu'il y avait... Il y a eu une chroniqueuse qui s'appelait Hélène Bélanger. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je m'en souviens vaguement, oui. Alors, Hélène était une jeune femme assez timide. Et à un certain moment, on avait des problèmes à trouver quelqu'un qui pouvait faire la coordination, puis ça lui était tombé dans les bras. Ouais. Et elle l'a très, très bien fait. Et elle m'a écrit quelques années après. Elle m'a dit, écoutez, si ça n'avait pas été de ça, j'aurais jamais fait mon doctorat en philosophie. Ouais. Je ne serais pas rendue où je suis. Merci. Ça lui a donné confiance. Oui. Ouais. Donc, le rôle de la radio, on dit toujours que CKRL est la pépinière de toutes sortes de talents. Je pense que c'est important. Et je peux revenir sur notre première animatrice, qui était Julie Bélanger, qui a fait une carrière extraordinaire en animation, que je pense maintenant au Québec, tout le monde connaît. J'ai été voir ses sites, etc. Il y a un site où on dit qu'elle a commencé dans une radio communautaire de Québec, mais on ne spécifie pas laquelle. Donc, je pense qu'il faut préciser. Et Julie est passée assez rapidement, parce qu'elle était très, très bonne. Et au bout de quelques semaines, François Moisan lui a dit, « Fais donc un démo et envoie-le à des stations privées. Ah oui? Et il y a une station privée qui nous l'a enlevé au bout de 3 mois. Et là, elle faisait l'animation de soir et de nuit. Et ensuite, elle est partie pour Montréal et pour la gloire. Et bon, on l'a perdue. Ouais. Alors, l'histoire continue parce que Futur Simple se poursuit. Puis, je pense qu'on peut dire que c'est toujours autant utile maintenant qu'il y a 16 ans. Là, de... Je suis convaincue parce qu'il n'y a pas tellement d'émissions de science à la radio. Et elles sont parfois un peu trop montréalocentristes. Donc, l'aspect de s'ouvrir à Québec. Elles ne sont pas toujours faites dans le même esprit non plus, parce que ben, je pense que c'est le même esprit que vous avez maintenant, c'est qu'on veut vraiment montrer l'importance de la science dans le quotidien des gens. Alors, même si on parle de science très pointue, on essaye de rapprocher ça de ce que les gens peuvent voir, puis il faut quand même se rendre compte qu'au 21e siècle, il y a de la science dans tout. Et qu'on ne peut pas se passer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Exactement. C'est que l'actualité, maintenant, nous exige un peu d'avoir une certaine compréhension pour... Une culture scientifique, c'est ça, une culture scientifique pour comprendre un petit peu sur plein de sujets d'actualité maintenant. Oui. C'est ça. C'est ça. Ouais. Bah, c'était très intéressant de vous recevoir et d'avoir un petit peu cet aperçu historique que moi, je n'ai pas vécu. François l'a vécu, mais moi, non, je suis arrivée, le bébé était en marche, là, déjà grand. C'est vrai qu'on n'est plus tout à fait certain de l'année où ça a commencé. C'est ça, hein? Moi, je pense que c'était en 96. C'est possible. Ouais. Moi, je suis à la retraite, donc je ne suis pas retournée fouiller dans mon bureau pour retrouver, et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai encore, les papiers de la première subvention, mais je dirais que c'est à peu près ça. Moi, je suis restée 3 ans. Au bout de 3 ans, mes enfants ont dit « Maman, tous les samedis à la radio, il me semble que c'est suffisant. » Fait que j'ai arrêté. Mais c'est ça. Donc, après, l'émission est partie... Et je suis très contente que vous la continuez. Mmh. Et que François soit revenu. Oui, moi, je suis revenu. J'ai été là 2 ans. Je suis parti jusqu'en 2001. Je suis revenu comme animateur jusqu'en 2005. Ensuite, je suis revenu en 2009 avec Valérie. Je suis là depuis ce temps-là. Donc, un petit ressourcement de temps en temps, ça fait du bien aussi. Ben, merci beaucoup, Mme Kugler, d'avoir donné vie à Futur Simple et puis de permettre, 16 ans plus tard, à d'autres chroniqueurs passionnés de science de prendre le micro pour raconter à leur tour l'objet de leur passion, puis de contribuer au développement d'une culture générale. Et puis, sans transition, puisque l'actualité nous rattrape, on va passer en mode publicitaire sur CKRL au 89.1. Et merci de m'avoir invité. Merci.